Alors, l'objectif est simple. On veut préparer une sorte d'audio-guide pour le monastère de San Nicolo à Catane, en Sicile. Oui. Sauf que, dès le départ, en regardant les sources, on est tombé sur, sur une énigme. C'est ça. Une confusion assez classique, en fait, mais qui ici ouvre une perspective vraiment fascinante. C'est-à-dire ? On a deux grands monastères bénédictins qui s'appellent San Nicolo. L'un est à Venise, l'autre à Catane. Et ils ne pourraient pas être plus différents. C'est exactement ça. Au lieu d'une histoire, on se retrouve avec deux. Deux lieux, un seul nom. Et deux destins totalement opposés, sculptés par leur environnement. L'un, c'est l'eau, l'autre, le feu. Commençons par clarifier les choses, peut-être. On peut parler de celui de Venise, d'abord. Oui, bonne idée. Évacuons celui qu'on ne cherchait pas au départ. Alors, San Nicolo à Lido, à Venise. Fondé au XIe siècle. Et ce qui est fou, c'est qu'il devient tout de suite un lieu hyper stratégique. Ah oui. C'était le point de ralliement des troupes avant la quatrième croisade. Il abrite même une partie des reliques de Saint Nicolas. Un lieu du pouvoir, donc. Pas seulement de foi. Complètement. Le plus théâtral, c'est son lien avec la cérémonie du mariage de la mer. Ah, le fameux rituel où le doge jette un anneau dans l'eau ? Exactement. Pour symboliser la domination de Venise sur les flots. Tout était tourné vers la mer, la puissance, le commerce. C'est une parfaite illustration de Venise, en fait. Un lieu tourné vers l'extérieur, vers la conquête. Et ce lien avec l'élément naturel, l'eau, devient beaucoup plus violent quand on va en Sicile. Voilà. Maintenant, allons à Catane, celui qui nous intéresse pour l'audioguide. San Nicolo l'Arena. L'Arena, ce nom est déjà un indice. Ça vient de l'Arena, le sable volcanique en sicilien. On est tout de suite dans l'ambiance. Carrément. Ici, l'histoire, ce n'est pas le pouvoir, c'est la survie. La survie face à l'Etna. Il y a deux dates clés, c'est ça? Oui. D'abord, 1669. Une éruption monstrueuse. La lave coule pendant des mois et finit par encercler le monastère. Attendez, encercler, comment c'est possible? La lave en fusion, ça détruit tout, non? C'est ça qui est incroyable. La coulée était si lente et si massive qu'elle a formé comme une muraille tout autour. Sans le détruire? Sans le détruire. Elle a surélevé le sol de presque 12 mètres, mais sans jamais franchir les murs d'enceinte. On a une fresque de l'époque de Giacinto Platania qui montre la scène. Ça doit être surréaliste. Le monastère, intact, au milieu d'un océan de roches noires. Un îlot de prière au milieu de l'enfer, quoi. Donc il a été épargné par le feu. Mais ce n'est pas la fin de ses malheurs. Non. 24 ans plus tard, en 1693, un tremblement de terre terrible rase toute la région. Et cette fois? Cette fois, il n'a pas cette chance. Il est presque entièrement détruit. Seuls les sous-sols, les fondations ont résisté. Donc ils ont reconstruit ? Sur les ruines et sur la couche de lave. C'est fou comme image. On bâtit sur ses propres cicatrices. C'est toute l'histoire de la Sicile baroque. La reconstruction a commencé en 1702. Puis, bien plus tard, il a eu une nouvelle vie. Confisqué par le royaume d'Italie en 1866. Oui, et donné à l'université de Catane en 1977, qu'il a magnifiquement restauré. C'est cette histoire de résilience qui doit être le cœur de notre audioguide, pas juste les dates. Absolument. Pour résumer alors, on a deux San Nicolo. Bol de la puissance sur la mer. L'autre à Catane, un monument de la survie face au volcan. Une histoire de pouvoir contre une histoire de résilience. C'est une distinction parfaite. D'un côté, un lieu qui domine son élément, l'eau. De l'autre, un lieu qui subit et apprend à survivre à son élément, le feu. Et ça soulève une question, en fait, qui va plus loin. À quel point l'identité d'un lieu est définie pas seulement par son nom ou sa fonction, mais par les forces de la nature qui l'affronte. Voilà. Et combien d'autres histoires comme celle-ci se cachent derrière des noms partagés, attendant juste qu'on prenne le temps de les distinguer?